Sur Inter, si tu écoutes, j'annule tout, Charline et Alex, c'est la fête des voisins. Est-ce que je peux venir? Je suis votre voisine du dessous, j'apporte guimauve et champomie. Oh bah bien sûr. Mais pourquoi champomie d'ailleurs? Non, vous craignez CSA, c'est ça. Enfin, attention. Non. Et mon ami modération, donc du coup. Très bien, d'accord, on vous attend. Merci Estelle Schmitt pour ces informations. Prochain Merci, point hein. À 18h. C'est notre voisine qui parle. Voilà, c'est votre voisine aussi du coup. Eh bien écoutez ce qui s'est passé ce matin. Drame. En conférence de rédaction, on a eu du monde ce matin. Putsch. Salut les amis. Salut Charline. Ah non, c'est pas Charline. Mais Daphné, toi, t'es l'invité de l'émission. Ah oui, moi, on m'a dit aujourd'hui c'est toi. Mais oui, mais c'est toi l'invité, c'est pas la présentatrice. Bah, ça vous pose un problème. Bah, je suis autant journaliste que Charline. Bah peut-être même plus à mon avis. Oui, mais, bon, mais le truc c'est que nous on a un chef. Bon, vous obligé à le dire, mais c'est Charline qui m'a demandé de la remplacer. Ah bon, d'accord. Ça, c'est pas grave alors, mais ça change tout. Elle aurait pu nous prévenir. Attends, il y a un bruit. Elle aurait pu nous prévenir quand même. Elle m'a dit, tu choisis les thèmes, les sons, et tu supervises toutes les vannes. Ah, même les vannes, d'accord. Ah, si. Alors, allez, oui, les thèmes. Attends, il y a un bruit. Bon. Non, c'est rien. Le thème l'UMP demain. Oh non. Comment? Moi, j'ai des problèmes de fond. Est-ce que vous saviez qu'en Papouasie du Sud-Est, il y a une révolution qui pourrait renverser toute la logique tribale? Non, mais on savait pas. Parfait, c'est un bon sujet. Allez, non, c'est pas sûr. Et pour le 2? Le congrès, l'UMP. Oh non. Figurez-vous que le Parlement turkmène a voté une loi fiscale. Non, c'est pas possible. Nous, il faut des sujets qu'on peut décaler. Je ne veux rien savoir, c'est moi le chef. Ah, ben non, on dirait Charline, elle parle pareil que Regarde, c'est dans l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est rien. C'est Charline Bayonnet. Mais ça va pas, quoi. Bon, moi j'y vais. Je ne suis que l'invitée. Mais regarde. Non, mais je rêve, vous avez dit qu'elle était plus journaliste que moi. Non, c'est pas vrai. Merci, on vient de te sauver là. Guillaume, je te retiens. Non, c'est Alex qui a pris ma voix pour dire ça. Ça suffit. On va pas prendre Daphné comme invitée si c'est comme ça. Bien sûr, on va la garder. Et elle va voir ce que c'est que d'être une vraie journaliste, l'autre passionnée de la révolution turkmène. Bonjour la France Inter, bonjour la France entière. Vous écoutez l'émission qui taille un costard à l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va rhabiller pour l'année jusqu'à 18h. Si vous avez oublié de payer votre deuxième tiers provisionnel, vous n'êtes plus seul. La Grèce aussi, sauf qu'elle a quatre tiers provisionnels à raquer. Allez, du nerf, Costas. Toi et ton pays, vous nous devez encore un paquet de pognon. Entre Denis Laferrière et Alain Finkielkraut, l'Académie est politiquement divisée. Les immortels sont à deux doigts de s'entretuer. Je pense que l'Académie ne voudra jamais de moi. Ils acceptent n'importe qui ces temps-ci. Les mamans qui étalent les photos de leurs enfants sur Facebook sont-elles bien toutes seules dans leur tête? D'après les psys, elles transforment leur progéniture en vitrine parce que sur Facebook, un gosse, c'est toujours mignon comme un château angora. Je sais pas, alors qu'est-ce que tu veux? La Super Nintendo! La quoi? La Super Nintendo! Voilà, un château angora qu'on a envie d'étrangler. Bref, encore tu as dit un château? Un chaton, pardon. Bref, hein, je parle français, madame. Bref, encore un petit morveux qui, s'il continue comme ça, finira par gagner sa vie en faisant des blagues. Il finira comme Alex Vizorek. Mais oui, vous allez voir ce que c'est qu'un vrai journaliste, mesdames. Alors, autour de la table, toute belle équipe aujourd'hui, à 17h20, l'homme du sport. Sauf qu'au final, c'est nous qui transpirons quand il en parle, car parfois, pour son plaisir et pour être certain qu'on l'écoute, il glisse une petite coquille, partant du principe que la perfection n'est pas artistique. Bonjour Samir Bouazi. Bonjour Alex, bonjour Charlie, bonjour tout le monde. Alors, dans quoi va-t-on la chercher cette coquille aujourd'hui? On va la chercher dans les Suisses, c'est pas très poli ce que je viens de dire, mais enfin, on va essayer quand même. Et oui, il s'en passe des choses en sport là-bas. À 17h30, quand on parle de perfection, on pense immédiatement à lui. L'homme pour qui l'actualisique est une religion. Et il en est le meilleur prédicateur, c'est le père Tom AVDB. C'est bien moi. Oui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler cette semaine d'un petit morceau de Mozart qui a été mis en vente aux enchères. Et voilà, ça s'est vendu ce matin chez Sotheby's. Et donc, c'était cher parce que c'était un petit morceau de Mozart. Voilà, de lui-même. Oui, lui-même. Qui a été vendu ce matin. Était vendu un ce petit matin. Morceau de Mozart. Mais je dois dire un non, non, c'est okay. À 17h40, on ne parle plus de perfection. On est au-delà. Hier, à la grande librairie, quand on lui a demandé quel livre elle emmènerait sur une île déserte, elle a répondu Les Fabliaux érotiques. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un message qu'elle essayait de me faire passer. Dites-moi si je me trompe, Clara Dupont-Mono. Non, il était question d'un chevalier qui faisait parler des sexes féminins. Oui, c'est ça. Oui, donc ça n'est pas vous, d'accord. C'est bien ce que je disais. Alors, c'est bientôt le week-end et les vacances, donc vous prendrez certainement l'avion. Et j'ai justement là un livre qui fait que vous ne prendrez plus jamais l'avion pareil. Et enfin, j'ai reçu un mail cette semaine disant merci pour la vidéo sur franceinter.fr car j'ai découvert que Frédéric Fromet était un homme. Je réponds donc, cher Michou, venez vérifier tout à l'heure encore car il sera là à 17h55, c'est Frédéric Fromet. Et oui, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook parce qu'on est terriblement moderne et qu'on aime liker. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né... Ne commencez pas. Ah non, non. Vous êtes né sous le général de Gaulle et côté grec sous les colonels. C'est vous dire si... Ça file la baguette, hein, ça file le droit. Vous présentez les journaux dans Nulle part ailleurs sur Canal+ en 97. Quand s'achève la première guerre du Congo, les troupes de l'AFDL entrent à Kinshasa et sonnent la victoire de Laurent-Désiré Kabila. On a pensé que ça... Elle voulait vraiment montrer que c'était une journaliste. Voilà. Et puis c'est tellement effet papillon. Vous présentez ensuite Plus clair en 2001. C'est l'année où Guillaume Pokandou Wanchuk devient premier ministre du Bhoutan. Oui, oui. On a pensé que ça vous parlerait, c'est terriblement effet papillon. Vous présentez l'effet papillon, tiens, toujours sur Canal+, depuis 2009, quand l'armée sri lankaise parvient à s'emparer de Kilinushoshi, la capitale des rebelles des tigres tamouls. On a cru que ça vous plairait, c'est tellement effet papillon. Vous êtes... le pire client de la radio. Ah, elle est là. Enfin, on la tient. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Daphné Roulier, mais avec quelle Nicolas. Idée! Si vous êtes venu pour faire la promotion de l'effet papillon, elle vous a bien aidé. Ah oui, c'est gentil. Mais oui, l'effet papillon, c'est une émission qu'on aime bien dans cette émission. Mais oui, en plus, vous savez, vrai, quand les médias parlent des médias, allons-y, hein, oui. C'est l'onanisme médiatique. Canal Plus, 13h45 le samedi, donc c'est demain. Est-ce que c'est pas une bête curieuse dans le paysage audiovisuel parce que les Français ont la réputation de regarder assez peu à l'international? Et là, c'est une émission consacrée à l'international avec des phénomènes assez précis qui, comme l'indique le titre, l'effet papillon. Papillon. Voilà. C'est ma question cette, est drôle. Cette question ne vous plaît pas du tout. Vous attendiez pas, c'était déstabilisant. Non, mais c'est une bête curieuse dans le pays. Ah bah, en tout cas, Canal+ va être content de la promo. Hein. Ça, c'est de demain, il va y avoir un pic. On n'a rien servi à boire à notre invité avant, je vous le promets. On, petit message au CSA. On n'a pas picolé aujourd'hui. C'est pas vrai du tout. Voilà. Oui, aujourd'hui, c'est oui. Totalement mensonger. Donc voilà, non, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est une émission. C'est une des rares émissions. D'ailleurs, je crois que c'est la seule émission. Me regardez pas comme ça. Je vous regarde, vous êtes mon invité. C'est une des rares émissions à parler de politique internationale, exclusivement consacrée à la politique internationale. C'est la seule, je crois. C'est vraiment un territoire. Inconnu. Pas inconnu, mais c'est vrai. Oui. Alors le titre tient toutes ses promesses parce qu'il arrive souvent que vous traitiez des sujets en amont de la presse. C'est-à-dire qu'on voit des L'idée sujets... L'idée, c'est qu'on ne suit pas les dépêches AFP, on les anticipe. Voilà, exactement. Donc voilà. Il arrive souvent qu'on voit des sujets dans votre émission et puis à partir d'un certain moment qu'on les voit fleurir dans la presse. Donc comment est-ce que vous faites pour avoir, je dirais, alors je ne sais pas si c'est du flair ou du... mais comment vous arrivez à anticiper autant pour que ça ensuite intéresse les autres médias? On a du flair de l'instinct et surtout on a beaucoup de correspondants à l'étranger. Et un volant de pigiste, vous savez, c'est une fabrication artisanale, c'est une petite maison qui fabrique beaucoup. Kappa, c'est l'agence Kappa, qui est une très très grande maison à l'ancienne. Et donc on a une dizaine de permanents, des correspondants partout dans le monde, qui sont donc en prise directe avec l'actualité, en permanence, et qui nous racontent et qui refluent ces histoires, enfin qui nous les... Qui les reflue. Et moi, je serais révolutionnaire. Non, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, quand même, parce que hier, vous n'aviez pas d'invité. Aujourd'hui, vous avez une invitée malade. Je suis sortie de mon lit. C'est vrai, vous avez fait l'effort de venir avec 39 de fièvre et on vous remercie, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Une invitée scrofuleuse. La dame aux camélias, oui. Si j'étais révolutionnaire tamoul, je vous appellerais juste avant de lancer ma révolution, parce que vraiment, c'est vrai que vous êtes à la pointe de ces choses-là et ça parlerait à personne d'autre, en fait. C'est-à-dire que si j'appelle Jean-Pierre Pernaut, je sens qu'il ne viendra pas. C'est assez probable. C'est l'anti-Jean-Pierre Pernaut. C'est complémentaire. Parce que vous, par exemple, les sentons... Tu as vu que je rame. Hein. Non, je... Vous me tutoyez, je suis ému. Non, alors il y a par exemple... qu'est-ce qu'on pourra voir demain à 13h45 sur Canal+, parmi le sommaire de l'effet papillon? Alors demain, on est parti, Laurent Hamida est parti en Libye. Dans le petit port de Zouara, à 110 km de Tripoli, qui est le principal embarcadère en Libye des migrants d'Afrique du Nord et d'ailleurs de toute l'Afrique. Et c'est un endroit, c'est une zone qui est extrêmement dangereuse, où les journalistes ne sont pas vraiment les bienvenus. Donc c'est un reportage qui a été difficile à monter, à ramener. C'est vraiment un document exclusif et assez terrifiant sur cette zone de l'endroit qui a été totalement désertée à la fois par les autorités, parce que vous savez que la Libye est en pleine guerre civile. Elle est en butte aux milices et à l'État islamique. Donc c'est très très compliqué de ramener des images de cette zone-là. Donc on a fait un reportage donc dans ce petit port qui est assez assez terrifiant. Demain donc à 13h45 dans l'effet papillon et tiens, et moi, puis nous parlerons des enfants jockeys en Indonésie, petits enfants hauts comme trois pommes que l'on juche avant même qu'ils sachent marcher sur des chevaux lancés sur des pistes caillouteuses à 80 km/h et qui pour une poignée de dollars risquent leur vie tous les jours. Pour rien en réalité, parce que vous savez, l'équitation en Indonésie, c'est une tradition locale et c'est même une gloire. Donc on met ses enfants sur ces paris et des paris illégaux, bien évidemment. Et les autorités ferment les yeux, considérant qu'il ne s'agit pas de maltraitance. Ils ne parlent pas de maltraitance, ils parlent de compétition. Donc c'est aussi un sujet extrêmement poignant. À voir donc demain dans l'effet papillon sur Canal+. Ce sommaire est interminable. Laissez-en un petit peu pour nos auditeurs. Donc à 13h45 demain sur Canal+, nous sommes en compagnie de Daphné Roulier jusqu'à 18h. Wow, I feel good. I knew that I sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice. I feel nice. That sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. Sur France Inter avec James Brown, avec Daphné Roulier comme invitée et autour de cette table Alex Vizorek. Eh bien, Samir Bouadi, Thomas VDB et Clara Dupont-Monod dans l'ordre d'apparition de leur chronique tout à l'heure. Et puis ce matin, Alex, on a bossé. Donc. Bah évidemment, on a lu la presse. Évidemment, on a lu la presse. Pas les faits papillons voilà. Ici. Prenez-en de la graine, Daphné Roulier. Regardez faire les professionnels. Je vous regarde. Et voilà. Très attentivement. Revue de presse en tandem. Attention, c'est parti. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Lui, c'est le raisonnable. Elle, c'est la colérique. C'est juste faux. Lui, c'est le modéré. Elle, c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et ce matin, Alex, l'événement, comme souvent, était sur France Inter. Comme toujours, j'ai envie de dire, mais ce matin, c'était bouillant. Patrick Cohen, en public, à l'hôpital Pompidou, a dû se lever pour calmer les syndicats qui scandaient pendant l'interview de Martin Hirsch. Attendez, Martin Hirsch, je vais m'adresser à eux. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois qu'on a entendu vos slogans. On a entendu vos slogans, vous aurez tout à l'heure la parole. Je pense que vraiment, vous ne gagnez rien à perturber cette émission, s'il vous plaît. Sinon, on arrête. Écoutez, si vous n'arrêtez pas, on va arrêter l'émission et on ne parlera pas de l'hôpital. Et on a parlé de l'hôpital. Oh, oui. Alex, il me fait encore plus penser à Alexis Tsipras quand il s'énerve. Mais oui, mais oui, évidemment, il y a ça. Je ferais pas qu'il y ait un petit air. D'accord. C'est pas pour lequel c'était un problème. Mais surtout, cet excès comme ça de Patrick le place dans la catégorie des animateurs capables de gérer les mouvements de foule avec professionnalisme. Ouais. Il devrait se présenter. Je vais m'adresser à eux. Est-ce que vous m'entendez? Guy, je vous demande infiniment pardon, Guy. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, je n'y vois plus rien. Je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Écoutez, si vous n'arrêtez pas, on va arrêter l'émission et on ne parlera pas de l'hôpital. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire. On va essayer d'y parer. Voilà, merci de ramener ce calme. C'était donc Léon Zitrone, featuring Patrick Cohen. Et une info pour notre invité. Oui, elle est grecque, donc Grèce, 15 touristes russes blessés par la foudre. Ah bah, la colère de Zeus. Oui, bah je ne sais pas si c'était Zeus ou quelqu'un d'autre. Franchement, les Grecs, si vous traitez mal les touristes, ça va mal se terminer cette affaire-là. Exactement. Passons à la fête des voisins. Oui, c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous a invité, Daphné. Quelle mauvaise idée. Bah ouais, vous êtes notre voisine de palier. Et d'ailleurs, bah, ce sera le thème de la chanson de Frédéric Fromet tout à l'heure. Et pour l'occasion, Opinionway a fait un sondage pour savoir quelle personnalité vous aimeriez avoir comme voisin. Ah. Alors, bon, bah, nous, c'est vous, mais c'est pas vous qui êtes en premier dans la liste. C'est Omar Sy qui est numéro 1 devant Cyril Lignac et Florence Foresti. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, ça arrive beaucoup plus loin dans ce blague. Classement. Ouais, assez d'accord. Une autre étude vous a intrigué. Mais oui, et quand ça vous intrigue, bah, c'est du lourd. Vous connaissez. C'est près de la moitié des Français ne prennent pas de douche tous les jours. Oui, autour de la table, on est 6. Donc voilà. Ils en prennent deux fois par jour. Il n'y en a pas. 57% des Français prennent une douche tous les jours. 24% un jour sur deux. 11% un jour sur trois. Je comprends mieux. 8% moins souvent. Ils ne disent pas ce que ça veut dire. Mais... Moins souvent. Ouais, moins souvent. Très bien, très bien. Il suffit de prendre le métro pour s'en rendre compte. Effectivement. Une bonne nouvelle médicale pour terminer. Oui, le Parisien nous l'annonce. Dès lundi, en pharmacie, Vitaros sera disponible. Ah, et Vitaros, c'est qu'est-ce quoi que c'est? Ah, ben voilà, ouais. Bonne question. Ouais. C'est du Viagra en crème. Ah, bah voilà. Ah. Enfin. Et ça se met où? Ça se met avec les mains. Mais les mains où ça? Bah, sur le. Bah, sur le sgag. Ouais, c'est ça. C'est la femme qui. Et bah oui, de préférence. Et vous avez une chance sur deux que le type ait pris sa douche. C'était les informations d'Alex Vizorek sur France Inter. Crucial. Sur France Inter, où il est 17h25 à Chiré. Déjà ? Ah oui ? À Chiré, c'est près de Poitiers, oui, sachez-le. C'est ça, c'est et ça. C'est là où vous serez, Alex Vizorek. Et je compte déchirer. En spectacle, et ce vous samedi quand soir. Ce samedi soir. Avec, vous comptez déchirer avec ? Avec un autre jeu de mots. Non. avec la crème, là. Comment ça s'appelle ? Ah, Vitaros, ouais. C'est disponible que lundi, malheureusement. Il y a comme un petit nom grec dans Vitaros. Ça tombe bien, parce que nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Daphné Roulier, parce que boire au roulier, on a choisi. Premier sujet. Tenez pas compte. Le 5 juin, le gouvernement grec remboursera une première tranche au FMI. Qui a dit ça? Mais c'est comme ça, c'est l'information. C'est mon côté journaliste qui ressurgit. Vous ne l'aviez pas anticipé ça, Daphné Roulier, cette information-là? Écoutez, non, je ne l'avais pas anticipé. En tout cas, sachez-le, parce que, allez-y sur le virement. Parce que, bon, mais pour ça, il doit racler les fonds de tiroir jusqu'en dans les maisons de retraite. Et ça coince dans les négociations entre Athènes et ses créanciers. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos du Santori. On fait un marché où je ne viens pas. Dans le travail, tu es mon maître. Mais dans les choses, comme la musique, les chansons, je suis mon maître. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire libre. Tu signes? Je signe. Top là. Gianluca. Mais ça, c'est Zorba le grec. Oh, mais oui, tout gagné, à fait. Kazantzakis. Ah, oui, oui, oui. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes grec, d'ailleurs? Je sais pas, vous pourriez dire un truc du genre Alex Vizorek, vous êtes magnifique. Un truc comme ça en grec. Alex Vizorek, il se stèle. Para pour le amour. Il y a un comboloi au poignet droit. Puis, c'est quoi un comboloi? Vous avez l'accent, hein? Oui, du ouais. Comboloi. Du comboloi, oui. Samir Bouadi, c'est d'accord. Écoutez, on vous laissera son numéro à la sortie. Alexis Tsipras préfère assurer le paiement des retraites et des salaires plutôt que de payer le FMI, bien sûr. Donc le suspense demeure tout de même pour les trois prochaines tranches. Les échéances sont au mois de juin, donc c'est le compte à rebours pour le gouvernement grec. Alors donc dans la pratique, on demande même aux vieux d'apporter leurs draps et leur nourriture à la maison de retraite. Alors rassurez-vous, à l'UMP aussi, les militants doivent apporter leurs sandwichs. C'est vrai. Voilà. Daphné Roulier, est-ce que vous prenez toujours le pouls de la Grèce régulièrement? Et est-ce que vous avez des retours de cette situation? Je crois que les gens ne se rendent pas très bien compte de ce que ça représente, ce carcan budgétaire sur les Grecs. On en parle beaucoup, on s'en moque beaucoup. La Grèce a été très humiliée, notamment par une une dans un journal allemand. Avec ce doigt d'honneur. On stigmatise beaucoup les Grecs, mais je crois qu'ils sont soumis à une cure d'austérité insoutenable pour la plupart des Européens. Et moi, j'ai beaucoup d'amis, forcément, parce que effectivement, je suis moitié grec, j'ai beaucoup d'amis qui vivent là-bas, qui sont des profs d'université, qui perçoivent 200 ou 300 euros, et qui, à côté de ça, après 10 ans d'études, font des ménages ou des petits boulots pour pouvoir assurer le quotidien. Et pas juste le quotidien, mais l'ordinaire des jours. Vous trouvez que c'est l'Europe qui n'a pas fait son travail de solidarité ou que c'est la Grèce qui, derrière, a été mal gérée aussi? Vous savez, je crois qu'il y a un vice de forme dès le départ, c'est que la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans les années 80 dans l'Union européenne parce qu'elle n'était pas prête. C'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Elle n'avait ni les structures pour le faire. Tout le monde le savait. C'était un secret de polichinelle. Y compris les dirigeants grecs. Bien évidemment, mais est-ce que la population est comptable? Alors, bien évidemment, on peut considérer que la population est comptable des dirigeants qu'elle nomme, mais c'est un pays qui n'a jamais fonctionné selon les règles européennes encore aujourd'hui. C'est un pays qui vit sur une économie de marché. Tout est au noir. Personne n'a jamais payé ses impôts dans ce pays. Enfin, je veux dire, c'est voilà, tout le monde. On a toujours su ça. Alors aujourd'hui, on découvre un pays. Vous faites semblant de pas savoir. Et je trouve ça extrêmement malhonnête. Voilà, c'était le sujet grec. C'est une bonne analyse. C'est une analyse de café de commerce, mais c'est vraiment un pays qui est soumis. Oui, mais en même temps, l'entrée dans l'Europe aurait pu justement assainir la situation et réguler la situation. C'était aussi, est-ce qu'elle n'a pas raté une opportunité, la Grèce? Non, je ne crois pas. Je pense que d'abord, avant de rentrer dans l'Union européenne, ce pays aurait dû réformer intégralement son administration. Ça n'a pas été le cas. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un vice de forme dès le départ. Et voilà. Et nous remplissons donc notre charte de changer le monde dans cette émission avec vous, Daphné Roulier. En plus, c'est les malades, hein. Qu'est-ce que ça doit être, un enfant? Bah, dites-moi ça, écoutez, on testera bientôt, on ne sait jamais. Donc, il faut aller en Grèce cet été. Et apporter des devises aux Grecs. Oui, bonne idée. Et manger des moussakas, on les dira. Manger des moussakas chez vous. Chacun, chez soi, peut faire un geste pour la Grèce en mangeant des moussakas, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Absolument. Écoutez, si c'est validé par Daphné Roulier, tout va bien. À cette heure-ci sur France Inter, c'est le moment de Samir Bouadi. Oui, bonjour. Bonjour, salut, ça va. C'était formidable. Bon, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas prononcer le nom de celui dont tout le monde parle. D'abord parce que je l'ai déjà fait ici même la semaine dernière et que manifestement, ça lui a pas porté bonheur ou presque, on ne sait pas. Et ensuite, et surtout parce que. C'est de votre faute. Un peu, ouais. Mais enfin, il risque de garder son job et de régler certains comptes après. Une fois redevenu le parrain, je me vois mal recevoir une proposition que je ne pourrais pas refuser du style « Bon, tu la fermes ta gueule maintenant pour de bon avec tes phrases à la con qu'on comprend pas ?» Alors, avec le courage qui me caractérise, je préfère parler de nos voisins suisses en général qu'on a trop tendance à oublier au profit de nos amis belges. Je viens de faire de l'humour suisse. Quelqu'un a compris, je ne sais pas, Thomas peut-être. Bref, les Suisses donc. Alors, un en particulier, si vous me le permettez, Roger Federer, de son vrai nom Fédéré. Notez déjà qu'avec un nom pareil, on est vraiment en Suisse. Fédéré, unir ce qui était part, être neutre. Faire la synthèse. Je précise tout de suite que le président Hollande n'est pas d'origine suisse, au cas où l'un d'entre vous aurait tenté une blague suisse. Voilà. Bref, Federer, immense Federer qui est au tennis, c'est que Johan Cruyff est au foot. Cruyff, lui, était hollandais, et il est toujours d'ailleurs avec un peu de chance. Cruyff, les cheveux au vent, la foulée, comme un foulard soyeux qui aurait décidé d'habiller le vide. Cruyff, comme Federer, un corps là où il doit être, dans un mouvement perpétuel, l'effort invisible. Federer, en ce mois de mai à Paris, c'est une sorte d'errance. Il marche sur les vestiges de son palais, il cherche dans les décombres possibles de sa gloire presque passée une preuve. L'avenir existe-t-il encore? Suis-je encore Federer sur cette terre battue où j'ai défait tant de vainqueurs? Federer et son revers de rêve qui rêve encore, Federer et son revers. Le bras est-il encore cette épée qui taillait jadis, c'est-à-dire hier et peut-être demain, des arcs-en-ciel dans des nuages vexés? Quelle voix, c'est Louis Jouvet? Federer, j'aurais bien aimé. Ah, les Suisses, ah, la Suisse, ah, Louis Jouvet, ah, Louis Jouvet, les Suisses qui font les sportifs calmes et souriants, polis et rebondissants, qui fait des hommes ponctuels au rendez-vous du succès. Même dans la colère, ces gens-là savent se tenir. Se souvenir des déclarations de Federer en début de tournoi, quand pourchassé sur le cours de Roland-Garros par un jeune hirsute à la chemise fleurie, avide de selfie, ressemblant étrangement à Alex. Se souvenir donc de l'attitude noble d'un Federer qui rappelait à juste titre que dans un pays où on se fait tirer à bout portant comme un lapin à la Kalachnikov, il serait bon que les joueurs de tennis puissent faire leur métier sereinement sans avoir à se jeter par terre à chaque fois qu'un arbitre hurle « balle neuve ». Ah, Federer, je suis heureux de parler de Federer. Heureux parce que la Suisse, c'est Federer. Pas de remous, pas de scandale. La Suisse, c'est beau, c'est net, c'est propre, c'est simple. Ça sent l'eau de Javel. Là-bas, les joueurs de tennis vivent en paix. Qu'ils soient Suisses ou pas d'ailleurs, ils viennent tous vivre en Suisse. Pour une raison toute simple. En Suisse, les stars ne sont pas poursuivis par des chasseurs de selfies qui ressemblent à Alex et qui ressemblent à Alex. Là-bas, pas de papara djihad. Là-bas, on ne les reconnaît pas, les joueurs. Ils ressemblent à tout le monde et tout le monde ressemble à Federer. C'est pour ça que c'est beau, la Suisse. Les mauvaises langues parleront de fiscalité. Bref, enfin, ça, on s'en fout, laissons les jaloux parler. Hein. La Suisse est un havre de paix au cœur d'un monde qui craque. Les plaques tectoniques du malheur qui sclérosent l'Europe et ses alentours ne font pas trembler cette île qui flotte légère sur un lac serein. Serein comme Yannick Noah sous l'Exomil qui, dans un clip promo du tournoi de la Porte d'Auteuil, sponsorisé par un fournisseur d'énergie qui vient de changer de nom, met une plombe à dire un texte surréaliste où il est question de douleur que l'on surmonte sans peine quand on croit à la victoire, texte dit, sur les images atroces d'un joueur qui crève littéralement en direct sur le cours de Roland. Bref, la Suisse, la Suisse. On apprend d'ailleurs aujourd'hui que le mystère des trous dans le gruyère n'en est plus un. En effet, de très sérieux chercheurs viennent de démontrer que les trous du gruyère sont dus à la présence de la paille. Eh oui, la paille dans l'œil du voisin suisse qui nous fait oublier la poutre dans le nôtre. Je ne voulais pas parler de celui dont on ne parle pas. Je ne voulais pas faire bla bla bla bla bla. Je ne voulais pas jouer les atterrés en terre battue. Je ne voulais pas déblatérer. Errer comme une blague. Travailler à l'IB. Juste Federer, en parlant de Federer, qui vient de se qualifier pour les 16e de finale de Roland-Garros. Mais c'est Louis Jouvet slash Antoine Blondin. Extraordinaire. Slash. Merci infiniment pour les deux. C'est Samir Bouadi. Alors, eh ben, dis donc. Pas oublier que les Suisses sont aussi des confédérés. Oui. Bah oui, évidemment. Voilà, soyons précis, nous sommes sur France Inter, en compagnie de Daphné Roulier. Oui. C'est la fête des voisins, c'est notre voisine de bureau, puisque la voisine de bureau qui est très très malade. Mais ça, vous n'avez pas l'air, vous n'êtes pas crédible. Ah, aussi, aussi, je suis très crédible. Mais demain, vous recevez Nikos Aliagas dans La vie est un jeu. Bon, ce sera à 19h20, bien sûr. Et puis, il y a aussi L'effet papillon, demain à 13h45. Ça, c'est sur Canal. Pour l'instant, vous êtes bien sur France Inter. Vous êtes dans le bon train. On est dans la voiture bar avec Daphné Roulier. Ensemble jusqu'à 18h. Allez, c'est les Brigitte, hier encore. Thank you. sommes sur France Inter en présence de la dame aux camélias. Je vais vous laisser les manettes. Daphné Roulier est avec nous. C'est pour ça vous voulez présenter l'émission? Est-ce que vous voulez... Que Dieu m'en garde. Hein? Non, je vais vous faire lancer un sujet tout à l'heure, vous allez voir si vous insistez. Daphné Roulier est avec nous jusqu'à 18h. À cette heure-ci, Daphné, alors normalement on a Guillaume Meurice qui est parfois là. Il est remplacé heureusement là. Et aujourd'hui il est heureusement, oui, remplacé. Ah oui. Oui. Par. Par le mec qui fait des jingles avec la bouche, c'est Thomas VDB. C'est l'actualisique de Thomas VDB, un mélange de musique et d'actualité. C'est la chronique du vendredi qu'il ne faut pas rater, celle qui commence avec un cas qui se met à chanter. Voilà, alors ça évidemment, parce qu'à chaque vendredi, son nouveau jingle. Qu'est-ce que vous prenez? Ça a l'air fort, non? Alors évidemment, ça se fume. Ah, c'est ça, oui. Alors, mais c'est la chronique en fait, c'est l'actualisique de Daphné Roulier, pour merci. Alors ça, c'était un petit cadeau si vous êtes fan de Dire Straits. Il faut savoir que si vous êtes fan de Mozart, ça n'a rien à voir, mais dépêchez-vous, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. La maison de vente aux enchères anglaise Sotheby's met cette semaine en vente une relique ayant appartenu au célèbre compositeur autrichien. Cette relique, vous pouviez l'admirer jusqu'à mercredi dans la salle d'expo chez Sotheby's. Elle devait être mise en vente entre hier et aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un poêle de Mozart. Un poil à Wolfgang. Alors attention, là, je veux dire, idée cadeau que je donne peut-être à chacun pour les fêtes, les anniversaires. Tu sors du boulot. C'est une blague ou c'est sérieux? Non, c'est complètement vrai. Tu sors du boulot, t'as pas eu le temps d'acheter un cadeau. Mais le truc tout bête qui marche à tous les coups, c'est d'acheter un petit morceau de compositeur classique. Avec ça, t'es toujours sûr de pas te tromper. Moi, je peux vous dire qu'à Noël, ma sœur, j'ai offert des rognures d'ongles à Vivaldi. Eh ben, elle était ravie. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Alors, ce poil, donc, il y en a des images sur Internet. Elle en a la mâchoire qui se décroche, là. Mais c'est pas, mais elle se demande si c'est vrai. Tout ce que je raconte est vrai. Ce poil, donc, il est présenté, puisqu'il y en a des images sur Internet, dans un petit médaillon. Et dans ce médaillon, on voit le poil qui a appartenu à Mozart. Alors, comment s'assurer que ce poil a bel et bien appartenu à Mozart? C'est pas dur. Il suffit bien de regarder le film Amadeus. Et il y a une scène où à un moment le personnage principal se tourne. Et là on voit un poil qui part légèrement de travers près de l'oreille. Alors c'est un poil de cinéma évidemment, mais c'est très facile de voir bien que ce poil de cinéma incarnait le poil qui est mis aux enchères aujourd'hui. Elle est facile à reconnaître. D'ailleurs, si vous regardez les bonus du DVD, d'ailleurs, il y a une interview du poil dans laquelle il raconte bien comment il a abordé son rôle. Il a regardé des vidéos pour s'imprégner du rôle du poil. Alors le poil de Mozart, donc, il devait être vendu entre hier aujourd'hui, et il est estimé, c'est encore une fois complètement vrai, à 15 000 euros. Allez, qui dit mieux? 15 000 euros le poil. Hein, d'ailleurs, c'est une chose qui est assez peu racontée dans les biographies de Mozart, mais un jour il s'est fait épiler le dos, son esthéticienne est partie un mois aux Bahamas. Ah, voilà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'Amadeus se rasait, eh ben, c'était gros pactole pour sa femme de ménage. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce poil, il avait été offert en cadeau par la mère de Mozart à sa mort en 1791 à un chef d'orchestre autrichien, et le poil donc s'est transmis de génération en génération. Alors, je pense que ça va être un peu bizarre. Mais ça a l'air d'être une arnaque phénoménale. Eh ben, il faut aller chez Sotheby's. Tu vois, il y a quelqu'un qui a visiblement enchéri ce matin. Ouais. Je pense que ça doit être bizarre quand tu es devant ton père qui est sur son lit de mort et qui te dit maintenant fiston, je vais te léguer quelque chose. Alors ça va peut-être te surprendre de prime abord, mais au final je pense que tu seras content de l'avoir. Ah voilà. Maintenant je pense que ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a une personne qui a déboursé 15 000 euros pour mettre ce poil dans sa collection. Ça doit être bizarre quand t'invites des gens chez toi après. Un anonyme, non? Comment? Sous anonymat. Ah, oui, c'est pas dans son intérêt de dire son nom au gars. Ah, imagine le gars, un soir il ramène une fille chez lui, la fille elle doit se dire, est-ce que je ne viens pas d'arriver chez un psychopathe? Hein, le mec, j'ai des peaux mortes à Wagner, ça c'est un sourcil à Rachmaninoff, et là c'est le Graal de ma collègue, c'est le poil de Mozart. La meuf, je crois que je viens d'arriver chez Dexter. Je suis arrivé chez Dexter. Alors maintenant, ça peut être aussi évidemment une façon d'arrondir ses fins de mois, pensez-y. Je dis ça parce que juste avant l'émission, je suis passé aux toilettes de la radio, et après avoir tiré la chasse, je suis tombé sur un poil d'André Manoukian. Alors, j'ai regardé la cotation dans le catalogue Sotheby's. Alors, on sait tout ce qui est rare et cher. Le problème, c'est que des poils d'André Manoukian, on en a vraiment beaucoup. Il est donc coté à 6 euros. Voilà. Donc, s'il y en a que ça intéresse, éventuellement, contactez Sotheby's, on transmettra. Merci Thomas VDB, parce qu'on peut renflouer la dette grecque avec des Miss Roussos. Évidemment. C'est la conclusion. Alors, voilà une idée. C'est la conclusion. Thomas VDB, on vous retrouve demain à l'Européen, à Paris. Thomas VDB chante Daft Punk. Pour la dernière fois à Paris. Oh, Alors c'est à l'européen, il faut y aller, faut surtout pas le rater. Je suis sur le Washington Post et il a raison. Il y a un voile et il y a même... Ah, vous allez vérifier les infos que je donne sur internet. C'est Vizorek. Il y a du Beethoven aussi, je crois que c'est une grosse vente. Il y a une touffe de cheveux à Beethoven. Allez, deuxième sujet en compagnie de Daphné Roulier. L'auteur haïtien Denis Laferrière est entré hier à l'Académie. Dany, pardon. Oui, pour j'ai dit, voilà, tout à fait. Alors déjà, donc on va reprendre. Il se retourne quand vous dites. De toute façon, cette émission n'est pas en direct, on peut couper. Ok, d'accord. Donc vous coupez en régie, merci. Ok, donc je reprends. Délis Laferrière. Voilà, c'est ça. Donc, Laferrière est entré hier à l'Académie. Sur l'échiquier de la coupole, il est diamétralement opposé à Finkielkraut. Ça, c'est bon, c'est Finkielkraut, on est d'accord. Très bien. Étonnamment, ils ne sont pas d'accord sur la question de l'identité. Très étonnant. Pourtant, si tu as le tiercé dans l'ordre, vieux, blanc et de droite, tu deviens immortel. Nous sommes pourtant de la même famille. Nous ne donnons pas le même sens à ce mot. Ah, voilà. Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi, le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons les boutons, toi c'est le homard, moi c'est la vérole. C'est la grande Odia. Famille, Jean Gabin et Pierre Brasseur. Mais dans Dans la grande famille. D'accord. De toute façon, c'est pas en direct, là aussi on peut couper. Ok, parfait. Super, donc on continue. Le dialogue écrit par Odia. Je pense, hein, voilà. Est-ce qu'on peut vérifier? Parce que maintenant j'ai dit 2-3 conneries depuis le début de l'émission. Je vérifie toute l'émission en direct. Alors, moi, merci. Donc. C'est du fact-checking d'Alex Vizorek. Alors si on en croit l'Obs, cette semaine, les académiciens sont à deux doigts de se foutre sur la gueule quand même. C'est quand même magique. Finkielkraut a traité Daniel Salnav d'antisémite. Oh là là. Et oui, non, mais, je veux dire, si même les immortels s'y mettent, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on n'attend pas des immortels une certaine hauteur de vue, Daphné Roulier? Bah écoutez, les dieux de l'Olympe passaient leur temps à se foutre sur la gueule. Hein, donc il n'y a pas de raison que ça change. C'est vrai. C'est implacable, c'est sûr. Alors, dans l'Obs, il y a certains académiciens plus de gauche, qui expliquent que c'est le club historique de la droite française et Cato, donc tout le monde devrait être d'accord. Oui, mais là, tout le monde est d'accord autour de cette table, donc je passe à la question suivante. Non, mais il y a un truc intéressant à dire, c'est qu'à l'Académie française, il y a aussi des gens comme Angelo Rinaldi, qui sont des gens de droite, qui se sont battus avec des mecs comme Zemmour sur des commissions de francophonie, etc. Donc il y a plusieurs courants. Il y a aussi des chapelles et puis des vrais mecs de droite, un petit peu révolutionnaires, un peu libertaires, etc. Voire même libertins, qui sont d'une droite, on va dire, entre guillemets, si je peux me permettre, noble. Donc il n'y a pas que cette. Voilà. C'est vrai qu'avec François Vergan, ça, à mon avis, ça doit être. Il faudrait qu'on ouvre un peu. Il faudrait que Philippe Djian, par exemple. Oui, j'allais vous demander, qui est-ce que vous verriez sous la coupole? Philippe Djian. Non. Une bonne idée. Si, Philippe Djian, il serait très bien. Formidable. C'est l'ennemi juré de Angelo Rinaldi, donc c'est pas gagné. Oui, justement. Connaissant Angelo, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est pas gagné. Mais c'est vrai que la gauche, historiquement, elle a toujours été minoritaire à l'Académie française. On avait hurlé un peu quand il y a Finkielkraut, mais c'était parfaitement dans l'ADN de l'Académie française. La gauche, là-bas, elle est toute petite, c'est une pastille. Alors, Giscard, qui se plaint que l'Académie française n'a pas assez de visibilité médiatique, doit être heureux que Finkielkraut soit entré, parce que là... C'est une bonne caisse de résonance. Mais il y en a de plus en plus de la résonance médiatique, il y en a eu beaucoup. Les Français, font du buzz. Oui, et puis les Français, ils sont quand même assez attachés. Oui, et la Cour des comptes fait beaucoup aussi pour le rayonnement de... Pour la coupole. Toutes les instances un peu protocolaires, avec les costumes, les uniformes, etc. C'est tout un apparat que les Français aiment bien. Peut-être... C'est un sujet qu'aiment bien les Peut-être qu'il faudrait filmer et peut-être diffuser sur Public Sénat pour faire un gros prime time l'Académie française. Mais c'est une bonne idée, ça, je trouve. Télé-réalité. Ils ont des épées. Et oui. Ah oui, et ça, c'est important. Ça pourrait mal se terminer, c'est vous dites. C'est magnifique, une épée. C'est l'objet mythique qui arrive du Moyen-Âge. Et il y en a encore qui sont fabriqués, donc c'est très protocolaire, mais c'est très noble, c'est très beau. Moi, je vote Clara Dupont-Mono. Daphné Roulier, la littérature est une de vos passions. Eh bien, c'est aussi celle de Clara Dupont-Mono. Ah. Oui. C'est pas son gagne-pain. Oui, c'est ça. Je donnerai tout à la Grèce, comme ça. Alors, l'actualité, Charline, c'est aussi que nous sommes presque en week-end, donc, et puis presque en vacances, et que donc, parmi les auditeurs... Tout est dans le presque. Oui, absolument, tout est dans le presque. Et parmi... Cette émission, c'est une émission d'à peu près. Hein. C'est ça. D'ailleurs, on n'est pas en direct, c'est pour ça qu'on coupe derrière. On est dans la nuance. Mais que parmi les auditeurs, il y aura certainement des vénards qui vont prendre l'avion, il y aura peut-être vous, Daphné Roulier, et il n'y a quand même pas que le Thalys dans la vie, nous sommes d'accord. Alex, il y a aussi l'avion. Et ça tombe très bien, puisque la littérature qui a tout prévu, elle nous offre un livre qui sortira le 4 juin, alors dans les librairies, donc il n'est pas encore là. Ça s'appelle Attachez vos ceintures, c'est signé Isabelle Tronquet. C'est une hôtesse de l'air qui travaille depuis 15 ans sur les vols long courrier. Oh, je crains le pire. Ah, mais c'est très amusant parce que moi, c'est la littérature que j'aime beaucoup. Mmh. C'est à la fois léger et en même temps très bien fichu. Alors, c'est pas du James Joyce, d'accord, mais vous vous éclatez de rire plusieurs fois. Non, quand je dis je crains le pire, ça doit être absolument horrifique. Pas tant que ça, parce qu'en fait, elle recense les perles des passagers. Donc, c'est-à-dire, c'est vous, c'est nous. Voilà. Donc, c'est pas sur la sécurité aérienne. Non, voilà, c'est pas pas du tout le côté catastrophique, etc. Mais en revanche, c'est sur nous, les passagers. Et c'est là où on s'aperçoit quand même que les turbulences, elles ne sont pas toujours dans les airs. Elles sont souvent dans l'avion et voire même sous les couvertures. Ceux qui pissent dans une bouteille. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est arrivé. Mais il y a ceux qui forniquent aussi. Dans une bouteille. Parce que, non, pas dans une bouteille. Sous la couverture, parce que plus d'une fois, Isabelle Tronquet raconte qu'elle a repéré sur les vols de nuit, quand même, ça se fait avec l'obscurité, des couvertures qui ondulent de façon suspecte, évidemment les toilettes qui restent bloquées. Quel mauvais esprit. Beaucoup, beaucoup trop longtemps. Elle a même eu un couple qui forniquait et qui, sans s'en apercevoir, appuyait sur la touche qui appelle l'hôtesse de l'air. Donc ils se sont affolés en disant quelqu'un a eu un AVC et est tombé sur la touche, pas du tout. Ils ont ouvert avec un pied de biche quand même, parce qu'ils se sont affolés. Et il y avait un gars fesses nues qui était. Bon, voilà. Donc en tout cas, ça c'est clairement son quotidien. Et elle parle d'ailleurs du fameux club des 10 000. Est-ce que vous saviez ce que c'est? Je cite, ah Thomas VDB, je ne veux pas savoir pourquoi. C'est ce club que toutes les personnes qui ont, c'est elle qui le dit, ce club que toutes les personnes qui ont consommé du sexe à bord d'un avion ont rejoint sans le savoir. Ce sont les gens qui ont fait l'amour à 10 000 mètres d'altitude. Ah oui. Mais Thomas VDB, vous en faites partie, est-ce que je rêve ou pas? Vous êtes le seul ici à savoir de quoi on parlait. Non mais on a parlé cette semaine du club des 10 000 et on m'a parlé que c'était effectivement des histoires. Je sais plus avec qui j'avais cette conversation. Je sais que j'étais au sol quand j'en parlais, en tout cas. Mais... Alors, il y aura donc une mystérieuse confrérie des forniqueurs aboard, mais il y a aussi une confrérie des neuneux aboard. Parce que Isabelle Tronquet se fait engueuler, notamment, parce que les bonbons de l'avion sont immangeables. Et elle s'aperçoit en fait que le passager a mangé les boules quies. Parce que c'est des petites boules oranges. Tu veux pas, vous avez dit les bonbons, j'ai eu très très peur. Non, alors là, vous avez l'esprit du tournée Charles, des bonbons à la menthe. Et en fait, non, mais il a gobé les boules quies, parce que c'est des petites boules oranges en mousse. On lui demande où se trouve l'espace garderie pour les enfants, en disant qu'il est hors de question qu'on les garde pendant 8 heures sur un vol qui va en Martinique. Et la dame lui dit, mais c'est hors de question que je m'en occupe, c'est la mère. Et on lui demande aussi, ça c'est mon préféré, d'être assis dans le de la marche. Et elle, estomaquée, dit mais. Et la personne ne comprend pas tout de suite. Et alors, évidemment, le numéro un, c'est les dragueurs. Ça, les hôtesses de l'air, elles en ont plein. Que puis-je vous offrir, monsieur? Vous? Elles l'ont entendu sans fois, ça. Voilà. Un député lui demande, vous aimez les cadeaux, mademoiselle? Eh bien, tenez. Et c'est sa carte de visite. Non, mais est-ce que c'est pas complètement atroce? C'est la dépressurisation d'ego qui est urgente. Et en même temps, elle le reconnaît, Isabelle Tronquet, elle écrit « Les vieux fantasmes sur l'hôtesse de l'air ont la vie dure ». Et ça peut aller assez loin parce qu'un jour, lors d'un vol, un vieux monsieur, un monsieur âgé, a fait tomber sa pipe. Il a appelé l'hôtesse, qui l'a cherchée. Non, mais vous allez voir, mais c'est très amusant. Elle l'a cherchée, elle a mis du temps et tout, elle l'a trouvée. Et une fois atterri, au moment de dire au revoir, le vieux monsieur lui lance « Et merci pour la pipe ». Et là, un passager business dit à son pote « Business ». Oui, parce qu'il dit « Tu vois, je t'avais dit que c'était mis en première. Oui, bon, business. Comment vous dites business? Bah oui, business. Ah, business, business voilà. J'adore. C'est là où je suis pas quelqu'un d'argent. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'idée du au-dessus de ça. Ce qu'il faut lire entre les lignes. Non, je suis grec. C'est mon côté grec. Ce qui est intéressant, c'est l'idée du transit. En fait, de la perte de repères. Comme dans les trains ou dans les stations-service, en fait. Hein. L'avion, en fait, c'est ce moment délimité où plus personne n'a d'adresse. C'est-à-dire, vous êtes dans le mouvement d'un point à un autre, et c'est un des très rares fois où le sédentaire devient nomade. Et le stress, il vient de là. Alors, en plus, en avion, il y a toujours un petit stress quand même, qu'on a moins dans le TER Limoges-Vesoul, pour ce qui est de la catastrophe. Mais le métier d'hôtesse de l'air, c'est ça, c'est de gérer cette perte de repères. Et ça veut dire gérer des passagers anxieux, agressifs, à la Joestar, ça, on s'en souvient. Mais parfois, elle génère l'euphorie, et c'est le coût des 10 000 accouplements, mais c'est aussi la consommation d'alcool. Alors ça, elle insiste beaucoup dessus, les hôtesses de l'air sont hyper vigilantes, et elle dit à un moment, certaines destinations détiennent le record des passagers ivres à bord. Et c'est le cas de Cuba. Cuba, elle dit, c'est un vol épuisant parce que tout le monde est bourré. Et c'est très compliqué. Non, mais du coup, tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Et c'est là où elle se transforme en hôtesse de l'air. Parce apparemment, qu'elles sont chez les héroïques. Hôtesse de l'air parce qu'elles sont héroïques. Et elle se souvient d'un gars à l'arrière de l'avion qui avait vomi durant son sommeil. Et voilà. Donc, elle a été prévenue par les passagers qui trouvaient ça évidemment écœurant. Et elle a pulvérisé un spray désinfectant. Et le temps d'aller chercher des serviettes, elle est revenue. Le gars était réveillé et il se pulvérisait le spray désinfectant dans la bouche. Oh là là. Et donc, c'est là où elle s'est dit qu'il n'avait pas tout cuvé. Bon, je vous donne les références. Attachez vos ceintures, décollage immédiat de Isabelle Tronquet. C'est à paraître le 4 juin aux éditions de L'Opportun. Merci Clara Dupont-Mono. Et vous, Daphné Roulier, vous avez déjà vécu des vols homériques? Oui, ça vous est arrivé? Moi, j'ai voyagé avec un terroriste, avec Shoes Bomber. Vous savez, ce Richard Reed qui a failli faire exploser ses baskets. Vous étiez dans le vol? J'étais dans l'appareil, le siège juste derrière lui. Donc j'étais vraiment aux premières loges. Ah. Et ça se traduit comment? Vous l'avez vu, genre il avait des allumettes et ses semelles, il était. Il avait des allumettes. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'est joué. Ça s'est joué à rien, c'est-à-dire qu'il aurait scratché ses allumettes dans les toilettes. On serait plus là pour en parler. Enfin, moi, je ne serais plus là pour en parler. La bêtise, c'est qu'il a voulu le faire assis dans l'avion. Et effectivement, il y a eu l'hôtesse de l'air a été alertée par l'odeur de soufre. Mais ça s'est joué à 2 nanosecondes. Elle est passée au moment où il a scratché ses allumettes, elle a senti l'odeur. Et puis voilà. Et après, là, vous l'avez plaqué au sol, donc. Non, moi, je veux dire, j'avais une bouteille d'eau à ce moment-là, et j'ai vidé ma bouteille d'eau sur lui, parce que j'ai senti l'odeur de soufre. Par réflexe de survie, quoi. Par réflexe domestique, ne parlons même pas de réflexe de survie. Vous vous êtes dit le pauvre. C'est une chance que je vais l'aider. C'est une chance que vous ne buviez pas du calva, effectivement. Voilà. C'est une chance. Ah bah dites donc, c'est un film américain. Est-ce que vous pourriez nous donner la liste et les horaires de vos prochains vols, Daphné Roulier, qu'on évite de se voyager aussi avec un macabé. Ah, d'accord. Oui, non, c'était... Très bien. Oui. Donc, effectivement, ça, elle raconte, elle en a des hôtesses de l'air, des accidents. Oui, bien sûr. Parfois, et l'accouchement, il y a les deux. Moi, c'est un steward d'Air France qui m'a appris à fumer dans un avion aux toilettes. Très bien. Ça, je le tiens à dire. Très bien, on va faire un tour de table. C'est vrai. Troisième sujet, les réseaux sociaux dégoulinent de photos et de commentaires enjoués sur la maternité. Je veux dire, avoir un enfant, ça change la vie. Non, c'est pas vrai en plus. Non, ça change pas ta vie d'avoir un enfant, ça change tes fonds d'écran. Ce qui est normal, hein, je veux dire, de mettre la photo du bébé partout, on le fait tous, c'est parce que bizarrement, tu remarqueras, ton bébé, c'est toujours le plus beau de tous les bébés. Alors qu'objectivement, parfois, sûrement pas, mais on s'en fout, je veux dire, les goûts et les couleurs n'entrent pas en ligne de compte, c'est hormonal, il paraît. C'est bien foutu quand même. C'est pour garantir la survie de l'espèce, quoi. Ah bah oui, pour l'attachement, parce que sinon, on aurait vite fait de pas les garder, tu vois. Sur les échanger comme des cartes Pokémon, enfin, ce serait le bordel. Quoi. Ah bah ouais, c'est... Je veux dire, si l'esthétique avait quelque chose à voir là-dedans, ce serait dramatique parfois dans la rue, quand même. Florence Forestiste, une pleine page dans Libération aujourd'hui, posée avec son enfant, dans une mise en scène, bien sûr, sur Facebook, genre famille ricorée. Vous comprenez ça, qu'on publie les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, ou ça vous interpelle plutôt, Daphné Roulier? Moi, je ne comprends pas du tout, parce que j'ai un culte du secret maladif, mais par ailleurs, c'est formidable, parce que vous mettez vos enfants en vitrine pour les prédateurs sexuels. Vous savez qu'aujourd'hui, 95% des prédateurs sexuels, où vont-ils chercher les images pour les mettre sur les sites porno-pédophiles? C'est sur les murs Facebook, donc c'est absolument invraisemblable que les mamans de l'âtre mettent leurs enfants comme ça. Ça s'appelle les mamans de l'âtre. Mot que j'invente, un mot valise, mais qu'elles exhibent leurs enfants comme ça sous toutes les coutures, sous toutes les postures. Moi, ça me semble assez invraisemblable, mais c'est très. Il était quand même bizarre ce mot valise. Je pense que les réseaux sociaux, c'est la vie en plus rapide, et vous avez comme ça des gens, enfin des femmes à qui vous demandez ça va bien, et elles vous répondent le petit va bien, et elles ne parlent que de leur enfant, pas de si elles vont bien. Et je pense que c'est le même réflexe en se disant à la place de ma photo, je vais mettre la photo de mon gamin, comme ça les gens vont voir qu'il va bien et que donc de facto je vais bien. Et je pense qu'il y a un peu le côté de transfert. En tout cas, les psys parlent d'un espèce d'effet vitrine. Mais voilà. La psychologue interrogée trouve que ça peut être inquiétant de se mettre comme ça en avant avec son enfant. Voilà. Donc si vous vouliez être informé sur ce sujet, je pense que c'est fait. Cela dit, si vous voulez ne pas vous faire draguer sur Facebook, mettez les photos de vos gosses comme ça, bien en évidence. C'est un petit conseil. D'un battement d'aile, il est entré dans ce studio, Alex Vizorek. C'est Frédéric Fromet. Alors, vos voisins vont bien, mon cher ami? Ils vont très bien, mais je vais faire vite parce qu'ils m'attendent. Dépêchez-vous. Ce soir, quelle bonne idée. On va bien s'amuser. Au pied de mon immeuble, on va se bien... Attendez, je recommence parce que je me suis plantée. C'est l'émotion. On n'est pas en direct. Bonjour Frédéric Fromet, comment allez-vous? Mes voisins vont bien. Je vais faire vite parce que mes voisins d'immeuble m'attendent. Ce soir, quelle bonne idée. On va bien s'amuser. Au pied de mon immeuble, on va bien se fendre la gueule. Il y a du taboulé. On fait des blagounettes. Est-ce que vous plaît, fêler une chaise ou un taboulé? Pouette, pouette, c'est la fête des voisins. Il y a des tartes, il y a des quiches, il y a tous les crétins du coin. Tous ceux qu'on croise tous les jours dans l'escalier. Tous ceux qu'on croise. croise sans jamais se parler. Ce soir on s'aime, on fait tourner les serviettes. On aime aussi nos voisins viettes. Blagounette, on s'en fout, on n'est pas en direct. La bourge du dessus manque de perdre la vue. Quelle merveilleuse idée que toutes ces nappes en papier. C'est comme dans une auberge, tout le monde s'éclate. On demande à la concierge des nouvelles de sa chatte. C'est la fête, c'est la fête des voisins. Il y a des beaufs, il y a des chieuses, il y a tous les blaireaux du coin. Je dis ça car je sais que les miens m'écoutent. Il y a tous ceux que le reste de l'année secrètement je traite de tarés. Le con du deuxième, la poufiasse du troisième. C'est magique ce soir on s'aime. Il y a le jeune retraité qui vient nous réciter son tout dernier poème en maternelle. Ils font les mêmes. On a mis une sono, c'est l'heure de la démo. Une démo de Zumba par une vieille en lycra. Génial, c'est la fête des voisins. Il y a des moches, il y a des gros, il y a tous les boudins du coin. Ce soir ensemble, on est les meilleurs amis. Oui, même toi qui votes Sarkozy. Je préfère pas savoir pour le facho du 5e ce soir. C'est horrible, on s'aime. 15 verres de sangria et tout le monde est sympa, y compris le bric. Couleur du dimanche matin à 8h, cette manifestation, à qui nous la devons? Un certain Athanase, mais devine-moi comment je t'appelle, Athénase. C'est la fête des voisins, ça me réussit pas. Y'a des nuls, y'a des mioches, y'a tous les tocards du coin. On abolir le pire dans toutes les dépêches, mais au moins avec les gens de Daesh. Dans le barbecue de la fête des voisins, on y mettrait les voisins. C'est la fin. Merci Frédéric Promet et merci beaucoup à Daphné Roulier. Je rappelle que La Vie est un jeu, c'est demain sur cette antenne à 19h20 avec Nikos Aliagas. Et on vous retrouve aussi dans L'Effet Papillon, l'excellente émission de Canal à 13h45. Merci beaucoup Daphné. Merci à vous. D'être restée avec nous. Allez, c'est la fin, on laisse le mot de la fin au FMI bien sûr. Allez, du nerf Costas, toi et ton pays, vous nous devez encore un paquet de pognon.